Moi je fais tout avec le cœur, tu. On m'énerve, j'fume des kilotis. C'est l'été sans la minuti. J'vois que des Monica Bellucci. Elle me dit que j'ai du charme. Elle me chauffe, qu'elle me chante. En plus, je sens celle dans ma chambre. Elle aime tout, j'crois que c'est ma chance. J'ai le cœur blessé. En séminaire, et mes yeux te caressent. Si tu veux partir, pars aussi, non, t'as qu'à rester. J'ai l'habitude d'être seul. J'aime trop ta voix, comment tu parles, y'a quoi te lever. Je serai là pour toi, même si souvent je t'ai fait pleurer. Dis-moi ce qui va pas, dis-moi qu'est-ce qui pourrait te faire rigoler. Et je ne crois plus au coup de foudre, ce que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé, faut le coudre, j'aurais pu déplacer des tours. Et je ne crois plus au coup de foudre, ce que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé, faut le coudre, j'aurais pu déplacer des tours. Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? J'suis pas très bien ce soir, oh, oh. J'ai fait celui qui dort, dort, dort, dort. Et elle me croit fortunée, parce qu'à chaque fois que je sors on sent, elle voit que c'est une tuerie. J'n'ai pas eu trop le time de faire tout ce que tu voulais. Pour oublier nos disputes, des fois j'me mets à rouler. À chaque fois qu'on parle plus, j'vois notre bateau couler. J't'ai dit que je t'aimais, j'ai vu tes larmes couler. Et si t'aurais donné ce que j'avais, tu m'aurais déjà mis dehors. Tu sais qu'une femme qui se respecte, ça vaut plus cher que de l'or. Je ne crois plus au coup de foudre, ce que j'aurais pas pu faire pour elle. Car blessé faut le coudre, j'aurais pu déplacer des tours. Et je ne crois plus au coup de foudre, que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé, faut le coudre. J'aurais pu déplacer des tours. Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Oh mais dis-moi lady, c'est quoi ce mode de vie? Papa parapa. Papa parapa. Papa parapa. Papa parapa. Foudre, ce que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé, faut le coudre. J'aurais pu déplacer des tours. Et je ne crois plus au coup de foudre, ce que j'aurais pas pu faire pour elle. Cœur blessé, faut le coudre. J'aurais pu déplacer des tours. Oh mais dis-moi lady,